Quand vous reviendrez, vous irez à l'hôtel Sully ? Oui, si je reviens, j'irai à l'hôtel Sully. 1. Quand vous changerez de voiture, vous achèterez une Clio ? Oui, si je change de voiture, j'achèterai une Clio. 2. Quand vous partirez en vacances, vous irez en Italie ? Oui, si je pars en vacances, j'irai en Italie. 3. Quand vous aurez votre permis, vous achèterez une voiture ? Oui, si j'ai mon permis, j'achèterai une voiture. 4. Quand vous ferez une fête, vous avertirez vos voisins ? Oui. Si je fais une fête, j'avertirai mes voisins. 5. Quand vous aurez une promotion, vous m'inviterez ? Oui, si j'ai une promotion, je vous inviterai. 6. Quand vous vous marierez, vous ferez une grande fête ? Oui, si je me marie, je ferai une grande fête.